Il n'y aura finalement pas de perturbation durant le tournoi de hockey Pee-wee. Ah, ça a été décidé hier soir. Un grand soulagement, là. Oui, et je pense que les syndiqués, un peu comme on le disait, étaient très mal à l'aise avec la possibilité de perturber ce tournoi-là, les syndiqués d'exposition. On peut entendre Jean Gagnon, le président du syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, notre collègue Bugeutil qui était sur place hier au meeting. Ce que les gens ont dit, c'est considérant qu'on a reçu des nouvelles dates de négociation de la part d'employeurs, ils ont suspendu le vote de grève pendant 2 mois avec une obligation de venir les revoir entre 2 et 3 mois pour tenir une autre assemblée où là, on va disposer d'un nouveau vote de grève, le cas échéant. Les gens ont été très sensibles à l'histoire des Pee-wee et tout ça. Ouais. Puis, on l'était d'ailleurs, le syndicat, un peu mal à l'aise avec l'histoire des Pee-wee. C'est parce que lui-même, Jean Gagnon, disait il y a une semaine, on l'arrêtera, le tournoi Pee-wee, puis on va l'arrêter, puis il n'y a pas de problème là. Le ton a changé une fois qu'il a parlé à ses membres. Il a été rappelé à l'ordre. Je pense qu'il a été ramené un peu sur terre, monsieur Gagnon. Mais il était allé trop loin. Je pense que oui. Et je sais que nos collègues du retour avaient commencé à se monter une banque de bénévoles hier. Quelle bonne idée en passant, là. Mais c'est probablement ce genre d'initiative-là qui a peut-être fait réfléchir syndiqués, là. Ça met de la pression, hein. Puis tu sais, je regarde ça, puis encore là, je vous trouve super gentils, les gars, là, qui nous servaient la bière puis déchiraient l'étiquette au Colisée, là, mais... Je regarde ça, là, selon les chiffres du syndicat, là, ces gars-là gagnent entre 13 et 16 piastres de l'heure. Ils font des gains annuels de 3 à 6 000 piastres avec ça. S'entends-tu que c'est pas leur job, là? S'entends-tu que ces gens-là ont des jobs ailleurs ou sont retraités? Je leur souhaite, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans un syndicat? Sérieusement, là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, là? Puis là, c'est sûr qu'il y a la crainte de voir Québécois arriver avec le nouvel amphithéâtre dans les prochaines années aussi qui vient teinter un peu ce débat-là. C'est que, là, une des raisons de la possibilité d'une grève, c'est que il y a de plus en plus de locations de locaux, semble-t-il. Exposité loue des locaux. Mm-hmm. Mais on ne fait pas appel au service des employés d'Exposité pour servir. Ben, tout ça. Ça coûte trop cher. Ça coûte probablement trop cher. Oui. 16 piastres pour servir de la bière, 16 piastres de l'heure, c'est peut-être un peu trop, là. Mais je suis peut-être cruel et mal fait, mais je pense encore que ce genre de job-là, c'est des jobs comme au Tim Hortons ou au McDonald's. C'est des jobs étudiantes et c'est des jobs de retraités. C'est ça, c'est même pas ça. À 6 000 par année, c'est un sideline. C'est même pas une job étudiante, là. C'est un sideline.